Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage numéro 239, spécial intelligence artificielle. Un sujet d'actualité dans un monde qui cherche toujours le progrès, mais à quel prix ? Comme on pourra le voir d'ailleurs dans cette émission. Et donc, pour ce cinéphage, je serai accompagné de Dino. Bonjour Dino. Donc, il avait participé avec nous à un cinéphage. Et bon, comme c'est maintenant devenu un ami de la radio, et j'ai toujours plaisir d'écouter un petit peu ses analyses sur le cinéma. Bonjour Dino. Bonjour tout le monde. Et puis Vincent, à la technique, bah Vincent, je vous le présente pas, hein, c'est le technicien de la radio, mais aussi mon complice de Cérivore, et puis aussi, de temps en temps, il intervient sur les cinéphages. Donc voilà, avec cette petite équipe, bah, on va essayer de faire un petit tour non exhaustif des films qui ont marqué l'intelligence artificielle. Et bah, on fera une espèce de, vous avez l'habitude, hein, de quiz vu pas vu sur le thème du jour. Eh bien, on va commencer par demander à chacun, d'ailleurs, on va commencer par Dino, si je te dis intelligence artificielle, à quel film tu penses ? Tout de suite, machinalement, Mound West, avec Yul Brynner de Michael Crichton. C'est pas le premier film que j'ai vu, mais c'est un film qui m'a terrifié sur cette thématique-là, quoi. C'est vrai que c'était flippant, hein, de voir ces différents mondes, bah, surtout celui des cow-boys, puisque Yul Brynner joue le fameux cow-boy. Parc d'attractions, déjà c'est rigolo parce que c'était un petit peu les Disney et compagnie, puis du fouet. Mais bah, déjà, on voyait pointer les robots et l'intelligence artificielle et ses dangers potentiels. Exactement. Et puis une musique sympa aussi, c'était, oh, c'était puis du Crichton, donc c'est toujours sympa. Vincent, pour toi ? Moi, d'instinct, comme ça, je vais partir sur Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron, qui est incroyable. Avec un Schwarzy qui est le parfait Terminator pour moi. Avec un Robert Patrick en antagoniste qui est parfait, oui. En T-1000, c'est... J'ai la chance de faire partie de ceux qui ont pu le voir l'année de sa sortie au cinéma, quoi. C'était une claque monumentale à tous les niveaux, quoi. La chance. Ah, ouais, non, je suis comme toi. C'est vrai que c'était... Et cette transformation, oui, comme tu dis, de Robert Patrick, là, t'as l'impression, lui, autant le Terminator a quelques failles, que lui, on se demande sa faille. Cette transformation, ces effets spéciaux, moi, j'avais trouvé ça génial. Oui, un film qui a bien vieilli. Je l'ai revu, parce que je l'ai récupéré en Blu-ray il n'y a pas très longtemps, là. Et c'est là que tu vois quand même le talent visionnaire de James Cameron. Ça vieillit pas, quoi. Et Terminator 2, c'est... ça veut dire beaucoup de choses. C'était voilà, les débuts de l'image de synthèse, des CGI. Il y a beaucoup de choses qui... ça reste une... Le résultat attend toujours d'être dépassé. Je parle de la saga Terminator. Ouais, ouais. Donc maintenant, si je vous... Bon, pour moi, j'allais m'oublier, oh là là. C'est le film Metropolis. Ouais, bah oui. Parce que... Ce côté visionnaire. Alors, donc, il y a les versions, on va en parler un petit peu dans Cinéphage d'aujourd'hui. Il y a la version de Fritz Lang, hein, la vieille version. J'avais déjà pris une claque et j'ai reçu une autre claque, double tarif, en voyant la version colorisée et sonorisée avec une bande originale vraiment géniale. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le côté déjà qui opposait la déshumanisation qu'il y avait avec le robot, et on envisageait déjà, dans les films qu'on aura par la suite, c'est-à-dire l'humain qui peut être remplacé par le robot. Déjà que... et puis il y a un parallèle social, hein, les humains sont... Il y a une classe... c'est pas très éloigné de ce qui se passe actuellement. Une classe aisée, et puis bah, les humains qui sont à moitié esclaves, moitié robots. Il y avait déjà ce côté social qui me plaisait bien, et qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle maintenant, jusqu'où on va aller. Et les films que vous avez évoqués avant, bah voilà, c'est les dangers. Pour moi, il y a du danger à mettre ça entre les mains de n'importe qui. Oh, c'est déjà fait, le mal est fait. Malheureusement, le mal est fait. Mais bon, on a encore la possibilité. On ne sera peut-être pas les John Connors, mais il faut garder l'espoir. Hein. Comme dit, l'espoir fait vivre. Toujours. Et on ne lâchera pas le morceau. Disons que quand on voit les combats de robots en Chine où ils frappent dans le vide, on se dit que ça va. On a encore quelques années devant nous. Voilà. Bon, mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est les drones. Hein. C'est on voit que c'est un petit... Ils ont un peu trop de présence. Une chose qui aurait pu être géniale hein, pour les films, pour les documentaires, quand ça commence à devenir une arme de soumission, ça devient grave. Et maintenant, quel film, si je vous dis intelligence artificielle, quelle scène de film ou quel film vous a vraiment marqué On a un petit peu évoqué pour certains, mais vous pouvez avoir une autre facette, disons. Tu parles de scènes spécifiques ? De scènes spécifiques, d'un film ou d'un film spécifique qui vous a vraiment... Là, on a parlé celui qui nous vient tout de suite à l'esprit, mais après, un film qui nous a plutôt choqué ou... Eh bien, moi, ce sera un film d'animation, Wall-E, qui est super beau, qui est très bien fait, qui est très bien réalisé. Les enfants adorent ou pas. Paradoxalement, je trouve que c'est un film terrifiant, beaucoup de cynisme, mais qui est totalement dans le vrai, quoi. C'est vrai que c'est assez sombre. C'est sombre et j'adore tout le début du film, avec le petit robot solitaire. Il n'y a plus personne sur la planète, hein, parce que c'est invivable. Et il est là tout seul avec ses habitudes. Puis l'autre partie où on découvre ce que les êtres humains sont devenus à force d'être asservis à la technologie. Voilà. Ça posait déjà, et ça, il y a quelques années, ça posait déjà les jalons des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Hein. C'est ça, c'est un beau truc. Je vais me le refaire, mais... Vincent ? Pour moi, la plus belle scène d'un de mes films préférés. Je vais rester dans mes films préférés parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans la liste, il y en avait pas mal, et ça, c'est cool. Entièrement d'accord. C'est la scène des larmes sous la pluie dans Blade Runner. Ah oh, ouais. Qu'est-ce qu'elle est belle cette scène et le monologue de Roy Batty qui est parfait avec cette musique de Vangelis toute douce, toute mélancolique. C'est inoubliable cette scène. Vrai que c'est une belle adaptation du roman de Philip K. Dick. Improvisé en plus le monologue par Rutger Hauer. Moi c'est un de mes acteurs fétiches, Rutger Hauer. Ah ce gars-là, il aurait dû avoir une carrière beaucoup plus importante pour moi. Bon, il l'a eu, hein. Quand on regarde sa filmo, mais il aurait pu, pour moi, être classé un peu plus haut. Et on n'a des fois pas pris le courage, je pense, de le faire tourner dans certains films, parce que c'est un Hollandais. Et on sait la difficulté des Américains à prendre des acteurs qui viennent de l'étranger. Hein. C'est ça qui, des fois, va faire passer des gens à côté d'une carrière. Carrément. Même s'il a fait des gros films. Hein. Enfin, je sais que j'ai adoré La chair et le sang... Les Faucons de la Nuit. Hitcher. Voilà, c'est vrai que c'est excellent. Et en plus, quelqu'un capable de jouer un gentil comme un méchant. C'est ça. Et très bien. Eh bien, pour moi, je reste dans les vieilleries, même si j'adore les choses nouvelles. C'était ce robot, Robil Robot, dans Planète Interdite. De voir, pour la première fois, un gentil robot. Déjà, il était... Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on nous montrait un petit peu la science, c'était les extraterrestres, les robots, c'était un peu les méchants. Et là, c'est un bon petit robot qui fabrique... En plus, génial, il peut vous fabriquer n'importe quoi, vous lui donnez un exemplaire, il vous fait n'importe quoi. Donc, déjà, bon, j'étais gamin, je n'ai pas vu le film quand il est sorti, je vous rassure. Mais voilà, à la télé, je l'avais vu, ça m'avait un petit peu... Ça m'est resté, et après j'ai eu cet engouement de films de science-fiction, de choses comme ça. Eh bien, ce que je vous propose, c'est la bande originale, hein, on va faire une petite pause musicale, la bande originale de John Anderson, qui s'appelle Cage of Freedom, de Metropolis, donc la version colorisée et sonorisée moderne. Bars. Retour après cette belle musique dans le cinéphage spécial intelligence artificielle. Donc on va passer maintenant à une liste non exhaustive, comme je le dis souvent, hein, des films qui ont marqué l'intelligence artificielle. Eh bien on va commencer avec Metropolis de 1927, le premier film de science-fiction et le premier film à représenter un robot humanoïde. Donc Metropolis, c'est un classique du cinéma muet réalisé donc par Fritz Lang. Donc il va explorer plein de thèmes dont on a parlé un petit peu juste avant, l'oppression, la robotique, la lutte des classes et plein de choses comme ça. Et dans une ville très futuriste pour l'époque, hein, les décors, les dessins, c'était en noir et blanc. Dans la version colorisée, on le voit moins, mais la version noir et blanc pour ça est vraiment géniale. Je pense que vous l'avez vu, messieurs ? Non. À voir, Vincent. Ah bah moi oui, je l'ai en DVD, une belle édition DVD de chez MKV, et c'est un film que je regarde à peu près une fois l'année, que j'aime énormément. Bon, j'adore Fritz Lang, hein, j'ai M le Maudit, le Docteur Mabuse, enfin... Le Tigre du Bengale et sa suite. Par exemple, j'ai bien aimé moi justement le fait que c'est quelqu'un qui touche à tout, un peu comme Hitchcock. Mais c'est ça, et spécifiquement le... Au début, le film, je le regardais vraiment pour l'aspect visuel, qui est absolument fantastique, comme tu dis, hein, tu vois, la date, c'est quoi, 1927, et, c'est prodigieux, c'est gratte-ciel, ces cités urbaines qui ont influencé le cinéma pendant des années après, tu retrouves dans Blade Runner. C'est ce que j'ai dit, on parlait de Blade Runner. Tu vois, et même toutes les thématiques abordées et tout, c'est vraiment génial. Puis tu sais, c'est un style de cinéma à part, toi, t'avais pas les dialogues, t'avais la musique, t'avais les... C'est super. Alors on est obligé de suivre là. Oui. On peut pas se déplacer. Là, faut vraiment être dans. Ah ouais, dans bah non. Donc ensuite, j'ai mis Planète Interdite, dont j'ai parlé tout à l'heure, un film de 56 avec le fameux Robbie le robot. Et donc, moi, j'avais trouvé ça, ce mélange de science-fiction et puis déjà de technologie. On verra que cette technologie. Est apporté par une race disparue hein, sur une planète. Et bon, le petit clin d'œil, c'est marrant, c'est de voir Leslie Nielsen, monsieur y a-t-il un flic, qui joue là un rôle de lieutenant sérieux, puisque Leslie Nielsen a une belle carrière avant à Hollywood, il faut le savoir, hein, suffit d'aller voir sa filmographie. Mais bon, voilà, ce robot qui... Et voilà, et puis cette technologie, on voyait déjà qu'il fallait faire attention parce que quand on utilise... une technologie, on ne sait pas jusqu'où ça va mener et les dangers qu'il peut y avoir. 2001 Odyssée de l'espace, ensuite de Kubrick, bon, voilà. Avec HAL, donc un film de Kubrick. Je pense que messieurs, vous l'avez vu ? Non, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il faut s'accrocher à ce film-là et réussir à s'accrocher à la première scène où on voit tous les singes danser autour des obélisques, qui durent bien, facilement plus de 10 minutes, un quart d'heure. Et la musique ! J'ai eu du mal et je ne suis pas allé plus loin, je l'admets. Faut que je me force à le regarder. Alors, C'est drôle parce que bon, le film, je le regarde très très souvent, c'est dans mon top 5. C'est mon deuxième film préféré après Les Dix Commandements, on en a parlé. Et c'est marrant parce que ma femme dit la même chose. C'est pas qu'elle supporte pas le film, c'est que le début, c'est extrêmement long, tu vois, c'est des plans fixes et tout, tu vois, l'aube de l'humanité et tout. Mais c'est fantastique, c'est un film absolument... Oui, puis il y a cette ellipse, en fait, du temps... Parce qu'après, on comprend, c'est pour ça qu'il faut passer cette scène. Moi, premier, au ciné, quand je l'avais vu, je vous rassure, pareil, pas à sa sortie, mais plus tard, au cinéma studio, eh bien, il y avait ce côté bizarre au début, et puis après, il faut s'accrocher, puis après, c'est compliqué, c'est vrai. Il faut le voir dans des conditions où on est tranquille, il ne faut pas avoir des soucis derrière, mais c'est un film qui est prodigieux, avec cette musique, cette ambiance, ce fameux hall. Le robot qui peut déranger, entre guillemets, qui prend le contrôle. Au départ, il est là pour aider, mais en fait, à la fin, c'est lui qui commande. Et puis le visuel, enfin, on en a parlé la dernière fois, mais la photographie sur ce film, c'est absolument magnifique. Quoi. C'est, Du Kubrick. Hein. Ouais, il n'y a pas un plan qui est mal éclairé, qui est pas... j'adore. Ensuite, on va faire un petit bond dans le temps. Terminator 84, donc plus la saga derrière de James, le premier avec James Cameron, qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma, puisque Terminator, on en a parlé, on va pas s'étendre énormément, mais voilà, c'est un robot méchant, aussi la prise du pouvoir des robots sur l'humanité. Et puis Arnold Schwarzenegger, vraiment très bien dans ce rôle du Terminator. Je sais pas, toi, si Vincent, tu as préféré le 2 ? Ah, j'ai largement préféré le 2, même si effectivement, le 1, quand il est remis dans son contexte, avec le budget, etc., c'est vraiment un film avec toute cette scène qui se passe dans le futur de guerre civile, avec le crâne qui se fait écraser par le pied du Terminator. Attends, je confonds ou c'est dans le Terminator 2 ? De toute façon, tu les revois beaucoup. Mais toute cette imagerie qui a influencé pour moi le cinéma. Celui que j'ai préféré, c'est ça ? Pendant des années, ça a été Terminator 2. Et en vieillissant, c'est le premier. Pourquoi ? Parce que les deux sont effrayants, mais le premier, c'est vraiment un petit film. Dur. C'est limite un film de rue. Et le deuxième, qui est absolument génial, mais c'est déjà une plus grosse production, c'est limite tout public. Tu vois, ça, la thématique, elle est encore là, elle est encore dure. Il y a une scène de dialogue qui est super, avec deux enfants qui jouent avec des pistolets. Plus les répliques Sarah Connor, boum. On a un petit peu tous ces clichés en fait de Terminator, puisque c'est passé pas dans la vie commune. Il y a maintenant même les nouvelles générations connaissent Terminator. Bah oui, c'est ça qui c'est devenu culte. Ensuite, on reste dans le flic bizarre Robocop de 87. Donc c'est l'histoire de Alex Murphy qui est un flic qui va être laissé pour mort. Et en fait, une entreprise va se charger de le robotiser ou de l'humaniser comme on veut. Mais on voit un petit peu les dérives de la science et de la science-fiction. Parce que là, c'est un petit peu ce qu'on peut faire des flics robots et au service de l'État. Et il suffit que ça se dérègle. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, mis entre les mains de certaines personnes. Du Paul Verhoeven. Toujours aussi génial, des fois pas compris par certains dans ses propos, mais c'est toujours quelqu'un qui est acerbe et qui va dénoncer la société et qui ne fait pas forcément de la publicité pour des idées fascistes, comme on l'a de temps en temps dit de ses films. Alors que c'est, moi justement je trouve que c'est souvent un peu le contraire. Pour prendre Robocop, que j'ai vu 1 500 000 fois, j'ose même pas imaginer ce qu'aurait donné le film entre les mains d'un Yes Man ou d'un faiseur à la botte d'Hollywood, quoi. Et c'est terrible. Alors, il y a le sujet de l'intelligence artificielle et tout, mais il y a aussi tout le truc politique, social, qui est... La répression, comment on peut utiliser des robots pour pas... Un humain, ça peut avoir un moment un cas de conscience, un robot... Voilà, c'est ce qui se passe des fois de temps en temps. Hein. Et puis la dimension politique, tu vois, il est quand même créé par des multinationales, qui a de l'argent, enfin, alors qu'il y en a qui crèvent de faim et tout. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, là, c'est pour ça que ce qui fait peur, c'est que l'intelligence artificielle, en voyant ces films, eh ben, on se dit, putain, mais on y est ou on y arrive ? Ouais, c'est du cinéma visionnaire. Mais tu sais, on en a parlé, hein, tout le cinéma des années 70, début 80. Ça fait un peu un gros miroir. Bon, je vais justement faire un petit aparté. 1984 d'Orwell. Eh ben oui, bien sûr. Là, je l'ai pas mis dans la liste, mais ça me vient tout d'un coup. Ben voilà, hein, la société contrôlée justement par la technologie. On y est. Exactement. On en rigolait. On appelle ça. Ça s'appelait 1984, mais ça avait déjà commencé. Hein. Mais tu sais, c'est tous ces films d'anticipation. Là. Mad Max, Soleil Vert, enfin tous ces trucs-là. En 82, Blade Runner, donc on en a parlé tout à l'heure, un de tes films favoris, Vincent, et puis il y a eu le Blade Runner 2049, avec... moi, je trouve qu'on a perdu du charme du premier, qui était vraiment génial. Le deuxième, j'ai pas accroché. Moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. Bon, j'aime bien le cinéma de Denis Villeneuve, en général, de toute façon. J'ai bien aimé, mais Blade Runner, je pense que c'est le type de film où il n'y a pas nécessité d'une suite, où il ne faut pas attendre 30 ans pour la faire. Voilà, là je suis entièrement d'accord. Voilà, moi j'attendais beaucoup, j'avoue, de ce deuxième film. Et même si c'était Villeneuve, ben, je suis tombé. Un film, bon, ça se regarde, mais on ne retrouve pas l'enthousiasme, la qualité des acteurs, du premier, quoi, c'est clair. Non, mais l'univers est riche, hein, tu sais, il y a eu des jeux vidéo, des bandes dessinées et tout. Mais j'ai adoré le film, mais le premier se suffit largement à lui-même. Il était beaucoup plus sombre, le premier. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, un des jeux vidéo, puisque j'y ai joué, c'est vrai qu'on avait ce futur un peu glauque, un peu crasseux. Et ça, c'était important. Ensuite, on passe à Ghost in the Shell, la version animation. On a eu le droit après une version. Là, je pense que... Je sens que Dino a beaucoup de choses à dire en voyant sa réaction. Dino a quelque chose à dire. je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Ghost in the Shell, c'est une claque monumentale. C'était impossible qu'ils arrivent à le faire en film. J'ai vu le film, qui était plus que correct. Mais c'était pas possible d'adapter ça en... Déjà parce que c'est Mamoru Oshii qui a fait le film, c'est tiré de l'œuvre de Masamune Shirow. Il a fait beaucoup d'autres œuvres, Appleseed, toutes ces choses-là et tout. Et Ghost in the Shell, je le revois très souvent, et ça fonctionne encore et tout. Mais tu vois, pour moi, Ghost in the Shell, c'est un enfant de Blade Runner. On a mis en place tout ça, on a créé tout ça. Et ça prend le dessus, quoi. C'est ça qui fait peur, le côté d'être dépassé. Le côté Frankenstein, de se faire dépasser par la machine, quoi. C'est ça. Et donc, j'ai le CD aussi, parce que la musique est absolument géniale. Je m'en sers beaucoup quand je dessine. C'est super. Ça fait partie de la science-fiction. Pardon le terme, un peu dégueulasse. Tu vois, tu parlais de Planète Interdite tout à l'heure. Donc, c'est coloré, c'est machin, c'est Robbie le robot... Et là, tout à coup, c'est des cyborgs, c'est crasseux, tu sens l'huile qui goûte, enfin, c'est urbain. Le côté mécanique, un peu, ouais, plus... C'est ça. Et en plus, moi, c'est le premier film d'animation, vraiment. Bon, j'étais pas très branché film, disons, japonais, manga. Et ça, j'ai vu ce film-là, ça a changé mon opinion sur ce genre de film. Et c'est là que je me suis mis à regarder plus de films d'animation, japonais ou autres, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des très belles choses. J'étais plutôt branché cinéma classique. Les dessins animés, pour moi, c'était Walt Disney, ou bon, Souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Et là, j'ai vu qu'on commençait à faire des films pour adultes, adultes, ados, et avec du fond derrière. Et là, ça m'a donné envie d'aller vers ce côté-là. Donc, un bon point. Ensuite, Existence, alors là, de Monsieur David Cronenberg, de 99. Donc, un nouveau jeu vidéo qui se connecte directement au système nerveux des joueurs. Vu qu'une seule fois, à l'époque, j'en ai pas gardé une grosse mémoire. Je pense qu'avoir bien aimé le film, Mais j'ai très peu vu de films de David Cronenberg que j'aime beaucoup. Hein, mais Très dérangeant, les films de Cronenberg. Ah bah oui, bah oui, de il aime bien le, il est, lui, c'est vraiment les univers noirs, sinistres, avec le mélange d'humanité, d'humains, de maladies, de... Bon, je pense à Crash, par exemple. Voilà, tout, c'est toujours malsain, un petit peu, quelque part. Crash, c'est dur à regarder. Hein. Existence, et puis bah, tous les films qu'il a fait sur les jumeaux, les choses comme ça. Voilà, il y a toujours ce côté un petit peu rapport avec la science, mais aussi la médecine. Donc c'est assez bizarre. Oui, parce que là, c'est pas dit effectivement, parce que quand on regarde la trame, c'est des résumés assez succincts, mais c'est vrai que ce jeu vidéo qui se connecte, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas vraiment une manette, c'est un amalgame qui ressemble à de la chair. Et en fait, le plug se branche dans le bas du dos. Les gens ont un trou dans le bas du dos, ils se le branchent, et ça les fait se mettre dans un jeu de réalité virtuelle. C'est pas un film très connu, mais avec un relativement bon casting. Bon, Jude Law, Ian Malcolm... Ouais. Il y avait eu un peu aussi l'univers de Vidéodrome, qui était un petit peu aussi avec les médias, avec l'interconnexion. Et c'est vrai que c'est des films Cronenberg ne laissent jamais indifférent. Ensuite, bon, un classique, la saga Matrix, une trilogie qui avait démarré en 1999, et comme un algorithme pensant et destructeur veut maintenir les humains dans une illusion de réalité. Donc, vas-y, Dino, ce que t'en penses. Alors, j'ai bien aimé le premier film, à l'époque, que j'ai vu au cinéma. J'ai pas du tout apprécié le 2 et le 3, parce que ça m'a fait mal à la tête, il m'a fallu du Doliprane à gogo. j'ai jamais été plus fan que ça, mais tout en appréciant le contenu. Et j'ai revu le premier Matrix, il y a 2 mois, tout seul, là, devant la télé et tout, et j'ai pris une claque monumentale. Ça a super bien vieilli. Ça me dit rien de voir les deux suivants. Enfin, et puis, ici, il y a eu un troisième. Non, parce que quand Matrix est sorti, il y a un autre film qui est sorti en même temps, plus petit, et que là, j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Equilibrium, avec Christian Bale, qui n'était pas sur le même sujet. Hein, et ça m'a éclipsé Matrix. Mais Matrix, c'est absolument génial. Elles ont ingurgité toutes ces influences différentes et tout pour mettre tout ça dans une œuvre, et ça fonctionne super bien. Quoi. C'est devenu culte. C'est ça. Ouais, moi, je te rejoins un petit peu sur le fait que j'ai bien aimé le premier. Alors déjà, pareil, un genre de film à regarder quand on est bien clair dans sa tête. C'est ça. Parce qu'il y a tellement de choses pour comprendre tout. Des fois, il y a même besoin d'un deuxième visionnage, parce qu'on a des choses qui nous ont échappé. Et par contre, après, oui, ça se dilue. C'est, voilà, ça sent la suite qu'on a voulu faire et qui n'est pas toujours heureuse derrière. Comme Blade Runner, derrière, des fois, un film se suffit. Vincent, pour toi ? Je l'ai vu. Et ? Je l'ai vu. J'en ai quasiment aucun souvenir, c'est terrible. Je me rappelle juste que visuellement, effectivement, il est très beau. T'as été reprogrammé. Il est très beau, mais qu'est-ce que je me suis fait chier devant ? Je suis désolé, mais il y a toute une vague de films qui est sortie à la fin des années 90, début 2000, dans le même style, très sombre, très edgy, qui me fait chier. Du coup, j'ai pas regardé les suites, même si je sais que à côté, ce qui est bien, c'est les animatrix. Donc, c'est des petits films d'animation, enfin des petits épisodes d'animation qui développent l'univers, et à ce qui paraît, ils sont vraiment bien. Eh bien, pour te casser les pieds, on va mettre la bande originale de Matrix avec la musique bien sombre de Rammstein, Du Hast, qui fait partie de la bande originale. hasst mich. Du hasst mich. Du hasst mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Eh bien, retour dans ce cinéphage spécial intelligence artificielle. Et bien justement, le film qu'on va parler maintenant, c'est AI, intelligence artificielle, réalisé par Spielberg en 2001, qui se situe dans un futur où des robots appelés mechas côtoient les humains. Et ce film raconte l'histoire de David, un enfant robot qui va être programmé pour aimer inconditionnellement. Il va être abandonné par ses parents adoptifs et il va se lancer dans une quête pour devenir un vrai petit garçon. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du film de Spielberg ? Alors moi, j'ai adoré. Spielberg, je suis un fan de Spielberg, hein, il a touché à tous les styles. C'était pas évident à traiter comme sujet. Surtout, je crois que de mémoire, ça devait être un projet développé par Stanley Kubrick. Et, exact. Impeccable à tous les niveaux. Comment traiter un sujet aussi compliqué, mais de façon à plaire au plus large public. C'est super. En plus, c'était le gamin du sixième sens qui joue le robot. Exact, c'est ça. Belle mémoire. Voilà. Pas tout le temps. Il y a Jude Law et tout. Non, c'était super. Je l'ai vu une seule et unique fois. Je l'ai vu la seule fois où je suis allé le voir au cinéma. Pas revu depuis longtemps, mais il m'avait laissé un bon souvenir. Vincent ? Ouais, c'est un film que je trouve terrifiant. Parce que cette idée de savoir que dans une famille, pour remplacer un être cher, on le clone, mais on le fabrique, et qu'il essaye, même pas ce gamin, mais ce robot, de se comporter comme un humain, bah, on est pile dans l'Uncanny Valley. Donc l'Uncanny Valley, c'est une théorie développée par un roboticien japonais, j'ai complètement oublié le nom, mais en gros, ça vise à dire que plus un robot est réaliste, plus on voit ses défauts et plus il nous apparaît étrange. Et je trouve que dans ce film-là, le comportement de David, du coup, il est pile là-dedans et c'est extrêmement terrifiant. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé ça dérangeant, le fait, l'humanité qui est inhumaine. Tout en ayant à côté... Parce que les parents qui rejettent un peu ce robot. Mmh. Et puis ce petit robot qui, lui, veut être humain. Donc c'est... Avec effectivement tout ce côté à côté quand il est avec les autres robots ou certaines scènes qui sont très poétiques et très belles. Ensuite, on va passer à iRobots de 2004. Donc, là, des robots à intelligence artificielle sont omniprésents dans cette société du futur de 2035. Et ils assistent, c'est devenu des assistants humains, hein, comme on peut voir maintenant d'ailleurs. Et certains d'entre eux vont commencer un petit peu à se dérégler, à tuer des personnes. Et on va envoyer Will Smith jouer un petit peu l'enquêteur et s'aperçoit... derrière ces robots tueurs, qu'il y a un petit peu une magouille et des choses qui se passent. Est-ce que je l'ai vu ? Bien sûr, je le regarde souvent. Pareil, c'est un des films que j'ai récupéré il y a quelques mois en Blu-ray. Je l'ai vu au cinéma. J'ai pas du tout aimé la première fois que je l'ai vu. Alors, étant fan de Isaac Asimov, hein, Fondation, Les Robots de l'Aube, enfin... Et puis en plus, c'était un film avec Will Smith. Au début, j'ai vu ça comme un film d'action de science-fiction avec Will Smith, en plus réalisé par Alex Proyas. Alors, quand tu fais iRobot après Dark City, et après The Crow. Et le film a très bien vieilli, je l'ai re-revu. J'ai relu beaucoup tous mes livres d'Asimov et tout, hein, parce qu'il a quand même inventé tout ce concept, les lois de la robotique. Mmh. Non, c'est chouette. Will Smith est pas mal en plus dedans. Mais il y a des séquences. Et les émotions du robot sont super, quoi. Oui, on retrouve un peu à la Blade Runner la conscience. Mmh. Vincent ? Film que je n'ai pas vu, c'est comme, j'ai envie de dire, 2001, l'Odyssée de l'espace. Je sais que c'est des films à voir, j'ai envie de dire, au moins une fois. Mais bon, il y a Will Smith, donc il faut que je me force à le regarder. Non, moi, j'avais trouvé relativement pas mal. Un bon film d'action à l'époque. C'est vrai qu'on voyait ça plus que le film d'action, et maintenant, avec le recul du temps, de l'intelligence artificielle, voilà, on voit autre chose. Et à une époque, bon, on voyait surtout le côté robot, un peu comme Terminator. On ne voyait pas forcément cette portée que ça allait avoir de nos jours. Et on voyait ça comme un vulgaire, et puis un vulgaire blockbuster. Quoi. Voilà. Ensuite, Wall-E, dont on a parlé tout à l'heure, de 2008, donc l'intelligence artificielle expliquée aux enfants, on pourrait dire. Mais film qui passe très bien avec les adultes aussi, hein. Surtout avec les adultes, je pense. Tu sais, on en parlait il y a quelques mois déjà, tu sais, dans les films ou les œuvres, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Le niveau de lecture adulte de Wall-E, je le trouve terrifiant, quoi. Justement, on est passé, on parlait tout à l'heure des Walt Disney, on avait le côté dessin animé vraiment pour les gosses. Mmh. Et c'est vrai qu'on a eu un tournant avec Shrek, avec ce genre de films. Walt Disney et Pixar, tout ça, sont devenus plus adultes, entre guillemets, en mettant des différents niveaux de lecture. Et ce qui fait que ça leur rapporte plus, parce que c'est pas gratuit, on le sait. Mais au moins, les enfants peuvent y aller avec les parents, voir les grands-parents et partager quelque chose, et ça, c'est pas mal. C'est ça. Ensuite, Her, un film de 2013, un long-métrage de science-fiction réalisé par Spike Jonze, et qui va mettre en scène Joaquin Phoenix dans le rôle de Theodore Thrombey, un écrivain solitaire et déprimé qui va tomber amoureux de Samantha, avec la voix de Scarlett Johansson, un système d'exploitation doté d'intelligence artificielle avancée, conçu pour évoluer et s'adapter à ses besoins. Donc, ça fait un peu froid dans le dos, ce genre de choses, de préférer un robot à l'humanité. Ah bah, totalement, mais encore une fois, hein, t'sais, on est en plein dedans, hein, tu vois, combien de coups de téléphone je reçois, t'sais, les appels commerciaux, où tu sens que c'est de l'IA, enfin, tu vois, c'est une voix informatique programmée. J'ai pas vu le film, mais je vais le voir incessamment sous peu. Il est bien. Parce que je vais en profiter pour faire un clin d'œil à mon collègue Damien, qui me tanne avec ce film. Oui, Damien, qui aurait pu être aujourd'hui, malheureusement. Bon, voilà, il y a le travail, hein, c'est voilà, ça qui nourrit les gens. Qui était occupé, et ça fait 6, 7, 8 mois qu'il me dit, non mais regarde ce film et tout. Et j'adore le réalisateur qui a fait Dans la peau de John Malkovich, qui est génial. Et puis Joaquin Phoenix, qui est toujours aussi génial. C'est bien, c'est qu'un frère est décédé, mais l'autre le remplace très bien. C'est ça. Enfin, le remplace, non, mais fait un excellent travail aussi. C'est une comédie dramatique que je trouve personnellement très belle, mais c'est vrai que juste avec tout ce qui se passe avec le développement des chatbots, etc., des différents IA, et notamment toutes les histoires, là pour le coup, dans la réalité, de gens poussés au suicide par leur relation avec ces chatbots ou qui se sont mariés. C'est un film, quand tu le regardes maintenant, alors qu'il n'est pas vieux, il est sorti en 2013, donc il va avoir 13 ans. C'est un film aujourd'hui, c'est pas une comédie dramatique, c'est juste un drame. Parce que tu te dis, putain, le mec, il a visé quand même dans le mille, mais vraiment dans le mille, il y a 13 ans. Ensuite, pareil, un film pas très drôle non plus, Ex Machina de 2014, donc une intelligence artificielle douée de raisonnement, d'émotion et de conscience, ça va déstabiliser un jeune programmateur informatique. Le côté Frankenstein, hein, est dépassé par sa créature, ce qui fait peur d'ailleurs, on n'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission, voilà, d'être dépassé par la machine et que le créateur lui-même, le programmateur, peut complètement perdre les pédales par rapport à ce qu'il a créé. J'ai adoré le film. Je crois que c'est Alex Garland qui l'a réalisé. Comme quoi, tu peux faire de la science-fiction sans forcément que ce soit super ambitieux, une grosse production et tout. Parce que toi, c'est un petit film. C'est limite un huis clos. Puis en plus, j'adore Oscar Isaac. Et à l'actrice qui fait le cyborg du film, c'était vraiment super. C'est le genre de film que tu regardes tellement qu'on t'embête pas. Parce que c'est pas un rythme tonitruant, quoi. Oui, il y a pas pas des scènes d'action qui priment. Voilà, donc il faut que tu gardes le fil Bien évidemment, quand j'avais 15 ans, j'aurais pas... ça m'aurait embêté, le rythme lancinant. Et... Mais non, super film. Vincent ? C'est un film que j'ai pas vu, et au niveau du synopsis, sans vouloir spoiler, c'est un film qui me dérange un petit peu, dans le sens où, là, bon, c'est pas du spoil, mais quand on voit l'apparence du cyborg, j'ai du mal à me dire tout ce qui est à croire, entre guillemets, à tout ce qui peut se passer, parce qu'on va reprendre des films comme R ou AI, Intelligence Artificielle, où j'ai plus de facilité avec les histoires de relations longue distance où tu vois pas forcément la personne ou quelqu'un qui a totalement l'apparence, alors que dans Ex Machina, voir juste cet androïde avec un visage humain, j'ai plus de mal à y croire, j'ai plus de mal à m'investir. Non, moi j'avais bien aimé voir ce sujet frankensteinien, comme je dis toujours, c'est ça, la créature qui dépasse le maître et les dangers. Et moi ça me fascine toujours, c'est pareil pour la médecine, hein, des progrès de la médecine, mais derrière on peut arriver à des choses dangereuses mises entre les mains de sales personnes. Ouais. On voit ce que ça donne avec le Covid, l'Ebola, toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne cherchent pas pour guérir, mais plutôt pour s'en servir à des fins financières, voire même meurtrières. Et ça me dérange beaucoup. Ensuite, Chappie, en 2015, de Neil Blomkamp. Donc, ça se passe dans un futur proche. La population opprimée par une police entièrement robotisée commence à se rebeller. Et Chappie, l'un de ces droïdes policiers, va être kidnappé, reprogrammé. Il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Petit film sympa, moi, que j'avais bien aimé, parce que voilà, le robot va se mettre du côté de la population et s'humaniser en fréquentant des bonnes personnes, même si au départ, bon, c'est des gens un petit peu... c'est des rebelles et à la limite de la légalité, mais bon, c'est pas mal non plus. Bah, j'ai adoré ce film. Faut dire que j'avais adoré le premier film du réalisateur, District 9, qui était pareil, super. Et le point commun entre ces deux films, c'est que t'y crois, tu sais, comment c'est réalisé. Je sais pas si t'es filmé en Afrique du Sud. Oui, c'est en Afrique du Sud. Et t'y crois, encore une fois, je dis pas que je vénère la culture urbaine street, quoique, mais c'est de la science-fiction, c'est des effets spéciaux, mais... Et puis on montre la pauvreté, quoi, la population, là, on la met dans les ghettos, et puis voilà, et que ces gens-là, et ben, à part réprimer, c'est tout ce qu'on leur propose, et là, on nous montre que, ben voilà... En s'amusant avec la science, bah les pauvres gens ne sont pas des abrutis, contrairement à ce que pourraient penser certains. Bien sûr que non, mais c'est bien réalisé, c'est c'était super. Et puis voir Hugh Jackman en petit salopard, ça fait plaisir aussi. Ensuite, Imitation Game. Donc on peut calculer, qu'on peut mettre en 2025 dans les films un petit peu de la technologie, puisque on trouve, c'est un biopic, hein, Alan Turing, un des plus grands mathématiciens cryptanalystes et un des inventeurs de l'ordinateur qui a été instrumentalisé dans la Seconde Guerre mondiale pour fabriquer cette fameuse machine qui va décrypter tous les codes. Et donc là, par contre, c'est l'utilisation de la science à bon escient, moi, j'ai trouvé, pour essayer, là, c'était de combattre le nazisme. Voilà, c'est une contre-arme qui peut être très intéressante, je pense. Alors, j'ai pas vu le film. Je connais très bien l'histoire du personnage. En plus, c'est l'acteur de Dr. Strange qui joue. Mais non, je l'ai pas vu. Benedict Cumberbatch qui joue l'excellent Turing. Bon, pareil, quelqu'un qui est à moitié autiste, qui a des... Mais voilà, quand on sait que c'est une histoire vraie, et puis de voir on n'y croyait pas. C'est en plus c'est un sujet vraiment c'est high level de science, mais j'ai trouvé quand même ça passionnant et très très très bien joué. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, que j'aime bien en tant que film, mais c'est un très très mauvais biopic pour le coup. Pour toi, c'est un mauvais biopic. Quand on prend, effectivement, moi, ce que j'aime bien faire après avoir vu ce genre de biopic, c'est aller voir les témoignages, les vraies histoires, etc. Et c'est vrai que, bon, il y a une sacrée marge. Mais c'est un bon film, quand même. Mais c'est vrai qu'on est toujours déçus par les biopics. Ça peut être des biopics musicaux. On voit sur le biopic de Freddie Mercury, on voit pas tous les mauvais côtés, celui d'Elton John, pareil. Voilà, c'est des gens, par exemple, qui ont une vie à côté, pareil pour Turing. On met des choses qui vont être tout public, C'est ça. Pour vendre, et puis on va des fois passer à côté du côté sombre de la personne. Et ça donne des biopics beaucoup trop sages. Voilà. Parce que du coup, je fais juste un petit aparté 30 secondes, mais c'est vrai que dans le film, tout l'accent est mis sur Alan Turing, alors qu'on oublie qu'à côté, il y avait tout un département uniquement féminin qui ont fait un travail énorme. Ou même dans l'équipe qui a directement inventé cette machine, qui a brisé le code Enigma, il y avait des Tchèques qui avaient déjà réussi à faire un travail absolument énorme dès 1939-1940, bien avant les Anglais, les Américains, etc., et qui sont complètement éclipsés. Bah, souvent dans les biopics, on prend la tête d'affiche, et puis derrière, on oublie que les petites mains... on a vu dans le biopic sur la NASA, là où on voit que les femmes noires... avait mis en place ces mathématiciennes qui étaient victimes à ce moment-là de ségrégation. Et en fait, si ces dames n'avaient pas été là, on ne serait peut-être pas allé sur la Lune. Bon, c'était un super film sur les femmes de l'ombre. Les femmes de l'ombre, voilà. Super. Ensuite, I Am Mother, 2019. Donc, afin d'éviter l'extinction des êtres humains, un robot appelé La Mère est en charge de les éduquer. Alors ça, c'est pareil. Je trouvais que c'est le sujet vraiment actuel, hein. Mettre entre les mains de l'intelligence artificielle l'éducation des enfants. Ce qui fait que maintenant, les gens ne lisent plus, les tablettes, les choses. Le progrès, c'est très bien. Mais encore, faut-il qu'il reste de l'humain et il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, sur le film, je ne l'ai pas vu. Sur tout ce que tu viens de dire, je suis entièrement d'accord. On laisse trop toutes ces technologies guider nos habitudes au quotidien. Je vis très mal. Mon téléphone, l'ordinateur, c'est que quand j'ai pas le choix. Et je suis encore, tu sais, au naturel. Là, maintenant, pour regarder des films, pour commander, pour acheter à manger, pour écouter de la musique, c'est pop. C'est une montre connectée, enfin, tous ces trucs-là et tout. C'est du superflu, on en oublie les choses de base. C'est bien, c'est un outil, mais il faut pas se laisser déborder par l'outil. C'est pareil, pour moi, le téléphone, je pars en vacances, plap. J'ai encore ce réflexe de dire, bon, je suis en vacances, ça attendra. Bon, sauf un truc événement. Mais moi, ça m'arrive d'avoir, pendant les vacances, de ne pas ouvrir le téléphone de la journée. Et ça ne va pas me gêner. L'ordinateur, c'est pareil. Je m'en sers pour préparer les émissions au niveau professionnel. C'est un plus. Mais je ne vais pas passer mon temps sur le... Voilà, il y a des choses... La réalité, rencontrer des amis, c'est quand même mieux que de... Totalement. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre le progrès pour ses bons côtés. Comme la médecine, on prend pour ses bons côtés, mais faut pas tout déléguer, parce qu'on délègue à des robots, mais aussi on délègue à des personnes. Qui dirige tes robots? Et c'est pas toujours avec des bonnes intentions. Et non. Ensuite, nous allons passer à The Creator de 2023. C'est dans un futur proche. Humain et intelligence artificielle se livrent à une guerre sans merci. Je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai eu l'occasion de le voir récemment. Agréablement surpris. Ah bah moi j'ai adoré. J'avais adoré le film précédent du réalisateur qui avait fait la relance de Godzilla. J'avoue, j'ai adoré déjà dans un pur esprit de bande dessinée. Le visuel, les séquences et tout. Alors, ça va pas te plaire parce qu'encore une fois, ce sont des visages humains sur des robots. Pauvre Vincent. Mais c'est super. Et puis encore une fois, la thématique, la façon comment c'est réalisé, la technique... Oui, puis c'est une parabole par rapport au racisme aussi, puisqu'il y a les gens qui sont, entre guillemets, normaux, et puis les gens qui sont moitié robotisés, que la science a aidé justement à se reconstruire. Et au lieu de les mettre dans ces deux mondes différents, on essaie de combattre pour qu'il n'y ait plus qu'un monde avec des gens qui soient différents. Et il y a ce côté qui est aussi très intéressant, mis sous le couvert de l'IA. Et puis pareil, toujours les profiteurs de guerre, les gens qui font des armes, puis ça fait bien vendre. Et puis on fait battre les gens, c'est mieux que de les faire se rencontrer et discuter de leurs différences. J'ai adoré ce film. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu beaucoup d'images, d'extraits, etc. Et visuellement, je le trouve très beau, même au niveau des effets spéciaux. Ça, rien qu'en voyant ce que j'ai vu, ça ne m'a pas l'air d'être... J'avais l'air d'avoir bien vieilli. Mais c'est juste qu'effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, de voir ces différences, parce qu'il y a plusieurs types de robots qui sont entièrement robotisés, d'autres avec des visages humains, je suis en mode, mais pourquoi vous n'avez pas tous fait le même modèle? Parce que commercialement, il ne faut pas faire les mêmes modèles, sinon tu ne vends pas. Ouais, je vois ça. C'est... Regarde. Ou alors, c'est pour afficher que bien les acteurs, il faut peut-être plus les payer. Regarde le Covid, hein. Guerre. contre le Covid, et puis il y a 18 ou plus de 20 personnes, enfin 20 États, plutôt 20 entreprises, qui sont battues pour vendre leur Covid. Alors que quand c'est une guerre internationale, eh ben on met tous les meilleurs scientifiques, les meilleurs médecins, pour faire un produit qui va sauver tout le monde. Beaucoup de mensonges et de manipulations dans tout ce bazar. Eh oui. Et ensuite, bien, j'ai mis L'IA du mal, justement, un film de 2024, de l'année dernière. Et donc, Curtis et sa famille vont être sélectionnés pour tester un nouvel appareil révolutionnaire, un assistant familial numérique appelé AIA. Le robot analyse le comportement de la famille et commence à anticiper leurs besoins, mais très vite, hors de contrôle, il va tout mettre en œuvre pour que rien ni personne ne se mette en travers du chemin de la famille. Alexa, enfin, je peux en citer, tout, voilà, un petit peu de se mettre tout à la disposition de la robotique, la domotique, comme on dit maintenant, et bah, on s'aperçoit. Il y a eu pas mal de films, bon, j'ai cité celui-là. Voilà, le danger de laisser un robot gérer tous les aspects de sa vie, et ça, je trouve ça vraiment grave. Je ne sais pas pour vous, messieurs. Encore une fois, je vais faire mon vieux et tout, mais c'est donner trop de responsabilité à une machine. Tu sais, par rapport à ce film, L'IA du mal, que je n'ai pas vu, mais que j'ai envie de voir parce que le synopsis m'intéresse beaucoup. Toi, c'est typiquement ce genre de choses qui m'angoisse et qui me fait peur et tout. En tant que parent, alors je ne dis pas que je suis parfait, loin de là, mais c'est à moi de poser le cadre dans la maison, l'éducation, la pédagogie, les limites. Voilà. Tu vois, les parents, c'est souvent pour ça que dans un foyer, tu vois, il y a deux parents. Quand c'est le cas, hein, parce que bah, les familles monoparentales et tout ça, mais tu sais, t'as des émotions différentes. C'est pourquoi demander à un robot, à une machine, parce qu'on sait que ça va potentiellement être parfait, elle va tout calculer et tout, mais l'éducation. C'est aussi rempli d'erreurs. Toi, c'est ce qui fait avancer c'est aussi. C'est ce que j'allais dire. Il y a le oui, mais qu'un robot, c'est 0, 1, 0, 1. C'est binaire. Ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire, on ne va pas chercher la petite chose, le bon sens, qui va nous permettre de. Et comme tu dis, on n'est pas parfait. Il vaut mieux faire des erreurs. On apprend de ses erreurs, d'ailleurs. Totalement. Que quelque chose qui va être formaté. Voilà. Et on aime bien mettre les gens dans des boîtes, dans des box. Et ça, c'est les dangers de l'intelligence artificielle. Il y a le côté progrès. Mais de l'autre côté, il y a le côté attention, ne tombons pas dans l'ultra-dépendance à l'intelligence artificielle. Bah, c'est ça. Je voudrais bien vous dire qu'il ne faut pas tout diaboliser, parce qu'il ne faut pas tout diaboliser. Exact. Hein, parce qu'en effet, c'est le progrès, c'est la société. Mais il faut quand même être vachement vigilant, quoi. Oui, bah on voit ce que les inventions peuvent faire dans la vie. Hein. Le prix Nobel, Alfred Nobel, invente la dynamite pour aider les mineurs à ce que ça soit moins pénible, et finalement pour se transformer en arme, qui s'appelle la dynamite, qui n'est pas terrible. Hein. Donc voilà, il y a toujours ce côté nuance. Les Chinois qui avaient inventé la poudre pour faire des feux d'artifice, ça s'est transformé en boulet de canon, enfin en canon et compagnie. Donc voilà, il y a toujours le côté obscur de la force, pour en venir au cinéma. Il faut toujours s'en méfier. Totalement. Et puis, je suis tombé ce matin, par hasard, juste avant de prendre mon petit déjeuner pour venir à l'émission, il y aurait un film avec Cécile de France qui traite un petit peu aussi de ces sujets. On en parlait en off avec Dino, et moi, je pense, j'ai pas encore vu ce film, bien sûr, parce qu'il sort actuellement sur nos écrans, mais ça m'intéresse fortement parce que, voilà, il sera sur le thème. On n'a pas cité Le Monde Ouest, mais on en a parlé. Et puis plein d'autres films. Hein, le temps nous étant compté, j'espère qu'on vous aura fait découvrir ou redécouvrir certaines pépites de l'intelligence artificielle. Et puis on n'est pas au bout de nos surprises. Hein, ah bah non, il y en a tellement. Il y a toujours des films qui vont sortir, puis aussi des gens qui vont inventer des choses bonnes pour l'humanité. Et d'autres moins bonnes. Il faut rester positif, malgré voilà. tout. Voilà, avant de finir, petite transition facile par la musique du thème de Terminator. Bon, avant d'en arriver là, j'espère qu'il y aura des gens assez sages qui utiliseront le bon sens et leur cerveau. Donc, la bande originale de Terminator avec le thème principal. Eh bien, je crois que Vincent, tu avais une petite chose à rajouter dans les coups de cœur. Tout à fait, c'est un petit coup de cœur littéraire, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté quand on a fini cette liste. C'est une nouvelle, c'est « Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie », donc « I have no mouth and I must scream », donc qui est une nouvelle de SF, qui est complètement dans le thème de l'intelligence artificielle, qui a été écrit par Harlan Ellison. Et donc, basiquement, c'est l'histoire de cinq êtres humains qui sont enfermés dans une intelligence artificielle, et c'est les derniers humains, ils sont torturés depuis des milliers d'années par une intelligence artificielle. Ah ouais, très intéressant. Ouais. Et puis... Et il existe une version audio, pour ceux qui ne veulent pas forcément lire, qui existe sur YouTube, comptée par l'écrivain. C'est incroyable, voilà, c'est terrifiant. C'est... Vous n'avez pas de... Comment ça s'appelle ? D'excuses ! Ouais. C'est en anglais, mais c'est très beau. Voilà. Et puis, à citer, puisqu'on parle de littérature, bien sûr, Asimov, K. Dick et les grands de Jules Verne, hein, parce que c'est... Le patron. Le patron, Méliès, pour le cinéma. Voilà. Eh bien, comme on est dans les coups de cœur, maintenant, on va passer aux coups de cœur vidéo, avec, tout autre sujet, ça s'appelle Interland. Un thriller historique autrichien, belgo-luxembourgeois et allemand, réalisé par Stefan Rusowski, est sorti en 2021. Alors ça se passe à Vienne, dans les années 20, qui est la capitale un peu meurtrie d'un pays qui a perdu la guerre, et qui a perdu aussi non seulement la guerre, mais aussi des parties de son territoire, l'Empire austro-hongrois. Et des prisonniers de guerre vont être libérés et débarquent complètement pouilleux dans une ville qui s'appelle Vienne, et qui est complètement rongée par le chômage, des troubles sociaux et l'agitation nationaliste. Et parmi eux, il y a Peter Berg, qui fut policier avant 14, donc inspecteur de police, et qui est réintégré, non sans résistance, par ses nouveaux collègues dans les forces de l'ordre. Il va en compagnie du commissaire Reiner et de Teresa Kommer, qui est un médecin légiste, mener l'enquête sur une série de meurtres sordides visant des anciens combattants et anciens camarades de Berg. Et donc, toutes ces victimes, ouais, sont des compagnons d'armes de Peter Berg. Et on va s'apercevoir que c'est assez étrange. J'ai découvert ce film la semaine dernière, par hasard. C'est vraiment une pépite à voir. Moi, je l'ai vu en version sous-titrée, puisque c'était en allemand. Bon, je comprends l'allemand, mais c'est toujours bien d'avoir des sous-titres pour avoir les nuances, hein. Et vraiment un bon film, un bon polar suspense, avec une intrigue. Et puis une période où on voit la montée du communisme d'un côté qui s'oppose à la montée du nationalisme allemand, déjà, ce qui deviendra le futur parti nazi. Et c'est sur ce fond, avec une façon de filmer qui rappelle justement Murnau, c'est noir, c'est les bâtiments, là, je ne sais pas comment ils ont fait, on a l'impression que c'est un peu biscornu et tout ça. Vraiment un très bon film que je vous conseille. Ça s'appelle Interland. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Non. Voilà, bon, si vous avez envie. Ensuite, mon coup de cœur rétro, c'est un petit hommage. Hein, Jeremiah Johnson, un film américain de Sidney Pollack avec Robert Redford qui nous a quittés cette semaine. Malheureusement. Un film de 72, et donc le film s'inspire en partie de la vie du célèbre mountain man John Johnson, connu sous le surnom de Johnson le mangeur de foie. Le film est présenté en compétition officielle de Cannes en 73 et va connaître un succès aussi bien commercial que critique. Jeremiah Johnson a décidé de fuir la civilisation et la guerre, puisque c'est un ancien soldat, et il décide de vivre seul dans le climat rude des montagnes rocheuses. Et la cohabitation avec l'une des tribus indiennes va se dégrader lorsqu'après avoir porté assistance à un convoi militaire, sa famille fait l'objet de lourdes représailles. En effet, ils vont être massacrés. Son fils adoptif et sa femme, qui attend un enfant, et sa vengeance et son courage ont fait une figure légendaire, puisque il va combattre à main nue toutes ces tribus indiennes. Un de mes meilleurs films de Robert Redford. Bon, après, la carrière de Robert Redford, elle est géniale. Mais cet homme face à la nature, qui décide de lui-même de se retirer de la civilisation pour aller vivre dans les montagnes et vivre plus sainement. Puis il s'aperçoit qu'il y a toujours la guerre. Quel endroit on aille, il y a toujours quelqu'un pour emmerder l'autre. Et puis les croyances, les choses qui amènent à être victime en pensant échapper à la réalité, à la dure vie de la réalité. Je sais pas, Dino, je pense que tu l'as vu. Ah totalement. C'est du très grand cinéma, comme je te l'ai dit il y a plusieurs mois. Donc moi, le cinéma des années 70... peu importe les styles et les thèmes, c'est du très grand cinéma, c'est du très grand Robert Redford. En plus, réalisé par Sidney Pollack, avec qui il va refaire des années après, tu sais, Out of Africa. Que j'ai, oui, j'ai regardé, j'ai re-regardé. Non, c'est super, c'est du survival, c'est du... Et puis c'est pas pareil, c'est les paysages, c'est des machins. Enfin, c'est du western de qualité, je dirais. C'est ça. Donc non, ça c'est du très grand film. C'est l'histoire du cinéma, quoi. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, ce film-là. Il faudrait que je le regarde, effectivement. Il est repassé. De toute façon, avec le décès de Robert Redford, on avait le droit. Fallait avoir le choix. Bon, j'ai pris le choix Out of Africa, qui fait pas forcément le choix que j'aurais fait en premier. Mais je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Et puis, ces paysages de l'Afrique, cette musique. L'histoire par elle-même, bon, c'est un biopic, mais bon, c'est un petit peu romantique. Ce n'est pas trop mon trip, mais par contre, la beauté de l'image, de la musique, on se laisse emporter. Aparté. Ensuite, eh bien, mon coup de cœur news, eh bien, c'est le film Subversion, réalisé par Patrick Wolrath, qui signera son second long-métrage après le film de détournement d'avion Code 7500, qui avait été diffusé sur Prime Video, et porté par Joseph Gordon-Levitt. Le scénario de Andrews Ferguson suivra un commandant de la marine, joué par Christian Frantz, victime de chantage de la part d'un cartel qui l'oblige à piloter un sous-marin dangereux transportant une cargaison illégale à travers les eaux internationales. Lily James jouera quant à elle l'officier de garde-côte qui pourchassera le protagoniste et tentera sûrement de comprendre ses motivations. Film d'action, avec un... ce qui se passe dans un sous-marin, et puis avec les problèmes qu'on a actuellement avec les sous-marins nucléaires et tout ça se balade. Bon, j'ai dit pourquoi pas, en espérant que ça soit pas encore orienté, malheureusement, militaire et compagnie, qu'il y ait un petit peu de réflexion et que les gens, actuellement, on nous fait croire qu'il va y avoir la guerre, bon, il y en a des gens, les vendeurs d'armes, ça les intéresse, mais bon, j'espère que la majorité silencieuse s'arrangera pour que cette guerre n'ait pas lieu et qu'on laisse se battre dans une arène ceux qui provoquent ces guerres et qui les attisent. Que de la philosophie qui me plaît. Voilà. Bon, on est un petit peu politique de temps en temps, mais bon, il faut aussi que... il faudrait que la réalité rejoigne la fiction et que les gens se disent, non, on n'a pas envie de la guerre. La diplomatie, ça existe. C'est jamais parfait, mais vaut mieux des petits compromis, des choses qui empêchent les gens de se faire tuer et que ça se finisse en boucherie, comme on peut voir actuellement dans les différents pays, avec des gens derrière qui n'ont qu'un intérêt financier d'attiser. Donc j'espère que ce film aura un petit peu cette partie sympathique. Eh bien, pour finir, en gros, comme d'habitude, les avant-premières événements ciné de la Touraine, avec nos partenaires d'abord les CGR Centre, à la fin de la rétrospective Damien Chazelle avec Babylone, et là ça sera la semaine du 24 septembre. Ensuite, Toy Story, pareil, du mercredi 24 au dimanche 28, vous pourrez voir à nouveau Toy Story sur grand écran. Ensuite, nous avons un ciné-débat qui s'appelle Au boulot, d'après Gilles Perret et François Ruffin, les deux réalisateurs. Donc, ça sera le jeudi 25 à 19h30, suivi, bien sûr, comme d'habitude, du débat. Ensuite, le marathon Harry Potter, pour les fans d'Harry Potter, ça sera du samedi 27 septembre à 10h50, au dimanche 28 septembre à 20h15. Donc, 4 films par jour. À vous d'aller sur les sites des CGR pour voir les horaires exacts, si vous voulez voir l'intégrale ou que quelques films. Une avant-première pour les plus jeunes, Super Grand Prix, le dimanche 5 octobre 2025 à 10h50. Et une séance unique aura lieu aussi avec John et Yoko, le dimanche 12 octobre à 18h, sur l'ancien chanteur des Beatles et sa femme. Et puis un autre ciné-débat avec le film Médecin de campagne, le lundi 13 octobre 2025 à 19h. Donc un film que j'avais eu l'occasion de chroniquer avec une interview à l'époque de son réalisateur Thomas Lilti sur justement la médecine. Et puis on voit actuellement, c'est vraiment un sujet toujours intéressant. Vous pourrez discuter ensuite avec des personnes concernées et donc sur le problème de la médecine en général et de la médecine en campagne en particulier. Et puis les studios cinéma, notre partenaire, ne sont pas en reste, puisqu'il y aura l'avant-première de Deux Pianos le 26 septembre 45 avec une rencontre avec Arnaud Desplechin. Ensuite, Disco Africa, une histoire malgache, le dimanche 28 septembre à 11h, en présence de Luc Razanajawana. Et ça sera suivi d'un brunch africain qui sera servi à la fin des échanges avec le public. Donc, petit moment sympathique. C'est toujours sympa de rencontrer les gens qui réalisent ou jouent dans les films. Et puis, de discuter au bout d'un... avec un petit quelque chose à manger ou à boire, avec modération, bien sûr. Ensuite, eh bien, pour les fans de Kubrick, eh bien, il y aura l'occasion de revoir Barry Lyndon le lundi 29 septembre à 19h30. Hein, donc, masterclass. Masterclass, à ne pas louper. Et puis, pour terminer, la fête du cinéma d'animation 2025, le samedi 11 octobre à 13h45, avec pas mal de courts-métrages d'animation. Et bien sûr, pour connaître les horaires des films de nos partenaires, les CGR Centres de Tours et les Cinéma Studios, bah, vous n'hésitez pas à retrouver tout cela sur leurs sites respectifs. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial intelligence artificielle. Un grand merci à Dino. Et puis, à notre technicien Vincent. Merci les gars, parce que c'était vraiment intéressant de discuter cinéma une fois de plus ensemble. Merci, merci à vous deux. Ouais, merci pour l'invitation. Et puis, ça ne sera pas la dernière, on se reverra. N'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive si vous souhaitez devenir les invités de Cinéphage. Et vous pouvez réécouter en streaming nos émissions sur notre nouveau site. Et oui, il est arrivé, tout beau, tout chaud, www.radioactivefm.fr. Et comme ça, vous aurez la chance d'écouter ou de réécouter toutes les belles émissions que font aussi mes collègues de différents styles. On a, je ne vais pas tous les citer parce que allez sur le site, vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à pas mal de sujets. Et puis, c'est une radio qui est indépendante et c'est toujours sympa. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain Cinéphage en alternance avec Sérivore, notre émission sur les séries. Et puis, bien sûr, en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les cinéphages. Bye.